Les actes de ton cœur sont tes intentions. Je proclamais dans les jardins de Babel un cercle d'amants à l'unisson. À l'intérieur, des experts condamnaient les clandestins du ciel et des enfers au conseil de l'abîme. Méphistophélès brandissait ses talents, tout confondait l'amour conjugal avec la luxure, source de ruines. Succube, président, journaliste, le pape qui lava les pieds des prostituées. Et tu m'as conduit, luxe maudit, vers ma... Et me voyons de mon vaste empire imaginaire.